On va parler de hockey avec des Saguenay de Chicoutimi avec Jérémy Fortin. Jérémy Fortin qui a connu un bon match l'autre jour. Il a marqué deux buts. Salut Jérémy. Salut. Jérémy, écoute, est-ce que ça a été tout le moins ton meilleur match au niveau offensif avec les Saguenay? Offensivement, je crois que oui. Je suis pas vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de points, mais qui est reconnu pour faire beaucoup de points. Je suis quelqu'un qui amène de l'énergie, puis qui au sein d'un 3-4e trio. Mais OK. c'est sûr que c'est le fun que ça arrive une fois de temps en temps, que les efforts soient récompensés. Hein. OK. Jérémy, est-ce que vraiment, là, après les fêtes, on sait qu'il y a quand même pas eu beaucoup de transactions au niveau des attaquants. Est-ce qu'on a quand même dit que tu allais être utilisé de façon plus souvent ou il n'y a rien qui va changer? Non, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui va changer. Comme tu dis, on n'a pas eu beaucoup de travail à l'attaque. Puis je m'entends à mon rôle, j'amène de l'énergie, donner une mise en échec, puis essayer de déranger l'adversaire. Ok. Es-tu content de ta première saison avec les Saguenay? Ouais, vraiment, on est vraiment un bon groupe de gars. On s'entend vraiment bien. On est vraiment tous unis. Puis le staff d'entraîneur aussi, c'est vraiment le fun. Puis je pense qu'on pousse tout dans la même direction. Puis j'ai hâte de voir Le fait le que reste c'est de une la saison nous équipe réserve. jeune, quelque part aussi, vous êtes pas mal tous dans le même moule aussi, là. Puis toi, t'es Ouais, un c'est ça. vétéran là-dedans, t'as quoi? T'as 19 ans? Moi, j'ai 18 ans. T'as Non, je suis pas 18 un ans, vétéran. ok. C'est ma première année dans la ligue avec l'équipe, là. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment un bon groupe de personnes, puis on pousse tout dans la même direction. Ok. Jérémy, deuxième moitié de saison du côté des Saguenay. Qu'est-ce qu'on s'attend? Comme j'ai dit, j'essaie de m'en tenir à mon rôle. Je pense qu'il est défensif, et j'amène des bonnes minutes en désavantage numérique, et dans mes mises en jeu, j'amène mes mises en échec. C'est un rôle pas un peu ingrat qui passe sur le radar, mais je pense que chacun à l'équipe a un siège, puis il faut dans le fond, le prendre. Ok. Toi, puis Yannick Jean, j'imagine que tu utilises bien, puis c'est demain qu'on t'attend d'utiliser. Dis-moi maintenant, du côté de la du côté de la prochaine, du côté de la fin de la saison, du côté des Sags, du côté équipe, c'est de bien finir l'année et de poursuivre, j'imagine, puis de connaître un maximum de bonnes performances pour les séries éliminatoires. Ouais, c'est ça, tu sais, on se cachera pas qu'avec le départ de Galipo, Ouais. Rupsta, puis des gros joueurs comme ça, tu sais, l'équipe est en reconstruction, mais je pense pas que ça va nous empêcher d'aller loin en série ou de vouloir aller loin en série. On est tous, je pense qu'on est tous des gars qui veulent gagner, puis on n'aime pas se perdre, fait que on va vraiment compétitionner jusqu'à la fin, puis on n'abandonnera pas quand même. Le moral, comment qui est? Quand on perd un Olivier Galipo, quand on perd un Jermaine Rutsoff, le moral dans le vestiaire, c'est quoi? Ben, Galipo, c'est vraiment quelqu'un que tout le monde s'entendait bien avec. C'est vraiment un vrai leader que tout le monde appréciait dans la chambre. C'est sûr que son départ, ça il y a comme un gros trou que petite personne peut remplacer, peut combler. Puis, tu sais, Yannick est allé chercher d'autres défenseurs pour eux aussi, remplacer le temps de glace que Gali avait. Puis, mais dans la chambre, c'est sûr, c'est pas pareil, là. Il y avait vraiment, un gros spotlight sur lui, son Ok. Ben Jérémy, on va te donner la meilleure chance d'ici la fin de la saison avec les Saguenay de Chicoutimi, puis bravo, puis on continue à te suivre. Parfait, merci beaucoup, bye. Jérémy Fortin de Dolbeau-Missisquoi.